You know, Kimoon Killer, Melo Gangsta, Nicholas, Killer Fire, on the track, ou Baton. Sens-tu la fièvre qui monte en toi? Sens-tu mon corps qui vibre pour toi? Nos soeurs mêlées me brûlent les yeux. On the track, yo. Nous ne faisons plus qu'un. Yeah. Nous sommes mélangés. Fire them see, we up and the man them free. Coffin up free of them sous, kill a fire them sous. Hello gangsta, the man them fit you. Mais si tu veux du frottage, je crois que t'es bien tombé. Regarde sous le dub, il y a trois affamés. Nikos kill a fire, happy Melo gangsta. Crier ouh, ouh, montrer que ouais mais ça.